j'ai gratté des pages, j'ai vu couler des larmes. 2013, j'ai pris de l'âge, je viens vous livrer mon âme. J'ai fait du stylo mon arme et des lignes mes adversaires. Je viens puncher ma arme, voilà ma droite par derrière. J'ai ouvert mon cœur et mis mes mots dans l'écriture. J'ai rempli un classeur avec des textes aux écritures. J'ai planté ma pitié devant un verre d'alcool pur. J'arrive encore à espérer, espérons que ça dure. Mais ça c'est pas sûr, donc je vais céder comme le dernier. Il faut que j'assure avant que la vie vienne m'emmener. Qui sait ce qu'elle nous réserve, donc je m'évade en fumant de l'herbe. Et si un jour elle m'emmerde, ben je me barre et lui dis merde. Ouais, c'est ma vie que je te déballe, entouré de mes gros, de mes sentiments que je te parle. Il faut que je te dise en gros, je te raconte ce que j'ai sur le cœur. C'est-à-dire pas grand-chose, tout est à l'intérieur. Pour les sortir, faudrait que j'explose à fleur de Mike.